Thank you. We'll be right back. J'ai jamais essayé si ça marche. Je sais mieux. C'était mieux ? Alors attends, j'essaie d'en télécharger une autre. Le mix de la guitare avec le reste est bon là. Ça En fait, c'est une backing track, mais il y a déjà des guitares dessus. Oh, je suis paumé dans les trucs là. C'est beaucoup mieux. Comment on fait quand on veut un truc? Celle-là. Choisis celle-là. Ouais, j'avais compris, mais après, c'est faut que tu te baisses par rapport au volume. Ok, je vais réessayer un autre. C'est dur parce que des fois, chez soi, on s'entend pas assez. Alors attends. Qu'est-ce que ça donne ça? Document. Téléchargement. Téléchargement. Jam track. En fait, tu mets la piste sur Reaper, c'est ça? Après, je comprends pas au niveau de la synchro. On s'en fout de la synchro alors. Là, je la mets derrière. Apparemment, le tempo, on s'en fout. Ça passe quand même. Alors, ça donne quoi ça? Attends, faut que je. Tu tournes avec quoi là? Reaper. C'est Reaper, toi? C'est Reaper, ouais. Comme ça là-dessus, il faut. Là par exemple, moi j'entends la backing et je l'entends pas beaucoup, je suis obligé de monter Toji là. Je vais monter à 0. La backing elle est à combien? Vas-y. La musique sur une piste et toi tu te branches sur une autre et c'est ce que j'ai fait, ouais. Mais là, est-ce qu'elle est forte la musique là? Attends, tu vas me dire. Attends, je vais l'avancer un peu ce truc. C'est bon niveau? Non, je clip alors donc c'est trop fort. D'accord, trop fort. Alors je baisse un peu, ouais. Et là c'est pas mal. C'est bon hein. Alors maintenant tout Jeep, vas-y. connais pas. La backing c'était bon. Après on peut se régler comme on veut par rapport au rock des années 70. C'est quoi ça? Elle est où la page? J'ai perdu la page. Rock. Ah non, faut cliquer là-dessus. Rock des années 70. Download. Attendez, je vous vois pas parce que. Alors, il est où ce truc? Tac, téléchargement. James Track 70 Rock. Voilà, là je vais voir ce que vous dites. Je comprenais pas, Toji. Alors, écoute ça, voir si c'est bien celle-là. Oui, c'est ça. Et après. Comment on avance là sur Reaper, putain, ça l'a bloqué. C'est fort là. On attend les contrôles. Bon, j'avance un peu. Local channel qui permet de régler ton son comme tu veux. Si t'es pas assez fort, tu te montes. C'est ce que j'ai compris. basse truc, hein. Un peu longué. Des trucs pas mal, mais. Ah merde, il m'a pas chargé en entier ça. Si ? Oh, attends, c'est dans un style différent. Bah, ça lance pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, ça chie. Ça chie, ça. En fait, t'as tous les styles. Il y a beaucoup de balades.